Yo. Quand ça vient au texte, je viens mathématicien. Ces images, je les pince comme Matisse ou Titien. Manière à droite d'exécution, le coup de plume du praticien. Entre mes mains, les mots et rimes se comportaient la plasticine. Regarde les signes du temps, tu vois la guerrière approche. Lanceusement se faufile comme un petit guerrier apache. Ça prend un cœur vaillant et brave comme le Scott William Wallace. Qui se battra jusqu'au sang, jusqu'à sa fente et qu'on voile. Mentalement robuste, pas la colonne du mollusque. Car tous ces lâches sont des traites issus de l'école de la mollesse. Le comble de la malice, c'est le culte de l'homme en laisse. Les forces que de la police will soon be demolished. Mais c'est tout web, je combats jusqu'au décès. C'est un devoir citoyen, mais c'est aussi être audacieux. Ça en apprend la base, qui est d'entraîner ton mental. Car tout le reste provient de là, c'est l'une des règles élémentaires du ma mort comme la tête de gens sympas. Faudra toujours se méfier de ceux qui ont l'air de gens sympas. Souvent plus ça sent parfait, plus le vice est gros. Pour notre part, rester tête comme la paire vis et groupe. Beaucoup d'artistes qui se pensent plus fin que toi. Un jour se relâche et sort de la merde, c'est des sphincters. Des énigmes mortels comme faisait le sphinx. Classic heavyweight battle comme Tyson et Sphinx. De vrais warriors c'est lasagna Oka. Dressed up, khaki vert, voilà besoin au Akra. Reste droit pour ton corps si ça t'importe autant que suis le code goose. Dog à la forêt with Echo. Le vieux qui est la gars couré, c'est la conduite samoura. Le sage est immobile, mais quand s'active, sème l'orage. Spit ma rhétorique comme Montesquieu ou Montaigne. Tu sais c'est quoi le nez, mais qui est le vieux de la montagne? C'est un town with the pound strapped down on my side. No front and just in case I got to smoke some. J'marche dans la ville avec un livre sous le bras. Je blague pas, juste au cas qu'il faut que je lise de quoi. Shining comme Jack Nicholson ou Smith et West. Tête dure et robuste comme ces massive à l'ouest. We're most definite, my massive all of us. Des rimes so smooth comme la feuille de l'Aloès. Aussi classique que slick à la Cab Calloway. Une musique incorruptible appelée la Sean Connery. Une arme de guerrier, demande aux cousins indirons. Ce parcouru du chemin en salle depuis qu'on a quitté l'utérus. Des histoires glaciales, je les étale comme un vieux papyrus. Des textes inscrits dans le temps, écrits sur papyrus. En tout et pour tout, c'est le code du combattant. Un esprit vif et des lyrics qui t'assomment. Vas-y tombe à terre.